Daniel chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuéru, de la race des Mèdes, qui avait été établi roi sur le royaume des Chaldéens. La première année, dis-je, de son règne, moi, Daniel, ayant entendu parler livre, que le nombre des années duquel l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem, était de 70 ans. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, cherchant à faire requête et supplication avec le jeûne, le sac et la cendre. Et je priai l'Éternel, mon Dieu, je lui fis ma confession, et je dis, hélas! Seigneur, le Dieu fort, le grand, le terrible, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment, et qui garde tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, nous avons été rebelles, et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Et nous n'avons point obéi aux prophètes, tes serviteurs, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos principaux, à nos pères, et à tout le peuple du pays. Ô Seigneur, à toi est la justice, et à nous la confusion de face, qui couvre aujourd'hui les hommes de Juda, et les habitants de Jérusalem, et tous ceux d'Israël qui sont près et qui sont loin, par tous les pays dans lesquels tu les as dispersés, à cause de leur prévarication qu'ils ont commise contre toi. Seigneur, à nous est la confusion de face, à nos rois, à nos principaux, et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Les miséricordes et les pardons sont du Seigneur, notre Dieu, car nous nous sommes rebellés contre lui, et nous n'avons point écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour marcher dans ses lois qu'il a mises devant nous, par le moyen de ses serviteurs, les prophètes. Et tous ceux d'Israël ont transgressé ta loi, et se sont détournés pour n'écouter point ta voix, c'est pourquoi l'exécration et le serment écrit dans la loi de Moïse, serviteurs de Dieu, ont fondu sur nous, car nous avons péché contre Dieu. Et il a ratifié ces paroles qu'il avait prononcées contre nous, et contre nos gouverneurs qui nous ont gouvernés, et il a fait venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'en est point arrivé sous tous les cieux de semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Tout ce mal est venu sur nous, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, et nous n'avons point supplié l'Éternel, notre Dieu, pour nous détourner de nos iniquités, et pour nous rendre attentifs à ta vérité. Et l'Éternel a veillé sur le mal que nous avons fait, et il l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste en toutes ses œuvres qu'il a faites, vu que nous n'avons point obéi à sa voix. Or maintenant, Seigneur, notre Dieu, qui a tiré ton peuple du pays d'Égypte par main forte, et qui t'es acquis un nom, tel qu'il paraît aujourd'hui, nous avons péché, nous avons été méchants. Seigneur, je te prie que, selon toutes tes justices, ta colère et ton indignation, soient détournées de ta ville de Jérusalem, la montagne de ta sainteté, car c'est à cause de nos péchés, et à cause des iniquités de nos pères, que Jérusalem et ton peuple, sont en opprobre à tous ceux qui sont autour de nous. Écoute donc, maintenant, ô notre Dieu, la requête de ton serviteur, et ses supplications, et pour l'amour du Seigneur, fais reluire ta face sur ton sanctuaire désolé. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre tes yeux, et regarde nos désolations, et la ville sur laquelle ton nom a été invoqué, car nous ne présentons point nos supplications devant ta face appuyées sur nos justices, mais sur tes grandes compassions. Seigneur, exauce, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, et opère, ne tarde point, à cause de toi-même, mon Dieu, car ton nom a été invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Or, comme je parlais encore, et faisais ma requête, et confessais mon péché, et le péché de mon peuple d'Israël, et répandais ma supplication en la présence de l'Éternel, mon Dieu, pour la montagne de la sainteté de mon Dieu. Comme donc je parlais encore dans ma prière, ce personnage, Gabriel, que j'avais vu en vision du commencement, volant promptement, me toucha, environ sur le temps de l'oblation du soir. Il m'instruisit, il me parla, et me dit, « Daniel, je suis sorti maintenant pour te faire entendre une chose digne d'être entendue. La parole est sortie dès le commencement de tes supplications, et je suis venu pour te le déclarer, parce que tu es agréable. Entends donc la parole, et entends la vision. Il y a 70 semaines déterminées sur ton peuple, et sur ta sainte ville, pour abolir l'infidélité, consumer le péché, faire propitiation pour l'iniquité, pour amener la justice des siècles, pour mettre le sceau à la vision et à la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Tu sauras donc, et tu entendras, que depuis la sortie de la parole portant qu'on s'en retourne, et qu'on rebâtisse Jérusalem, jusqu'au Christ le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, et les places et la brèche seront rebâties, et cela en un temps d'angoisse. Et après ces 62 semaines, le Christ sera retranché, mais non pas pour soi, puis le peuple du conducteur, qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et la fin en sera avec débordement, et les désolations sont déterminées jusqu'à la fin de la guerre. Et il confirmera l'alliance à plusieurs dans une semaine, et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, puis, par le moyen des ailes abominables qui causeront la désolation, même jusqu'à une consomption déterminée, la désolation fondra sur le désolé.